Chapitre 4 du livre de Tobie, de la Bible de Filion, traduit par le révérend père Louis-Claude Filion. Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. Tobie, croyant donc que Dieu exaucerait la prière qu'il lui avait faite de pouvoir mourir, appela à lui son fils Tobie et lui dit « Mon fils, écoutez les paroles de ma bouche et posez-les dans votre cœur comme un fondement. Lorsque Dieu aura reçu mon âme, ensevelissez mon corps et honorez votre mère tous les jours de sa vie. Car vous devez vous souvenir des nombreux et grands périls qu'elle a soufferts lorsqu'elle vous portait dans son sein. Et quand elle-même aussi aura achevé le temps de sa vie, ensevelissez-la auprès de moi. Ayez Dieu dans l'esprit tous les jours de votre vie, et gardez-vous de consentir jamais au péché et de violer les préceptes du Seigneur notre Dieu. Faites l'aumône de votre bien, et ne détournez pas votre visage d'aucun pauvre, car ainsi il arrivera que le visage du Seigneur ne se détournera pas de vous. Soyez charitable de la manière que vous le pourrez. Si vous avez beaucoup, donnez abondamment. Si vous avez peu, ayez soin de donner de bon cœur de ce peu. Car vous vous amasserez une grande récompense pour les jours de la nécessité. Car l'aumône délivre de tout péché et de la mort, et elle ne laissera pas tomber l'âme dans les ténèbres. L'aumône sera le sujet d'une grande confiance devant le Dieu suprême, pour tous ceux qui l'auront faite. Gardez-vous, mon fils, de toute fornication, et hors de votre épouse, ne vous permettez pas de commettre le crime. Ne souffrez jamais que l'orgueil domine dans vos pensées ou dans vos paroles, car c'est par lui que tous les maux ont commencé. Lorsque quelqu'un aura travaillé pour vous, payez-lui aussitôt son salaire, et que la récompense du mercenaire ne demeure jamais chez vous. Ce que vous seriez fâché qu'on vous fît, prenez garde de jamais le faire à autrui. Mangez votre pain avec les pauvres et avec ceux qui ont faim, et couvrez de vos vêtements ceux qui sont nus. Employez votre pain et votre vin à la sépulture du juste, et gardez-vous d'en manger et d'en boire avec les pécheurs. Demandez toujours conseil à un homme sage. Bénissez Dieu en tout temps et demandez-lui qu'il dirige vos voies et que tous vos desseins demeurent fermes en lui. Je vous avertis aussi, mon fils, que lorsque vous n'étiez qu'un petit enfant, j'ai donné 10 talents d'argent à Gabélus de Rages, ville des Mèdes, et que j'ai sa promesse entre les mains. C'est pourquoi, cherchez de quelle manière vous parviendrez jusqu'à lui pour retirer de lui cette somme d'argent et lui rendre son obligation. Ne craignez point, mon fils. Il est vrai que nous menons une vie pauvre, mais nous aurons beaucoup de bien si nous craignons Dieu, si nous nous écartons de tout péché et si nous faisons de bonnes œuvres. Fin du chapitre 4.